Bonsoir à toutes et à tous. Vous êtes toujours sur l'antenne de Radio Gamozio pour une nouvelle émission de Ce qu'il faut savoir. Avec ce soir, une petite mission sur la surveillance. Alors, je surveille mes deux amis. Mes deux acolytes. Non, si ça, je me souviens, c'était noté dans mon agenda, je crois. Et voilà. Oui, c'était écrit. Je ne sais pas si vous avez révisé quelque chose, non? Non, mais c'est... Nous, d'ailleurs, je ne sais pas, on dit plus bonsoir, hein, puisqu'on était en antenne précédemment. Enfin, sauf pour ceux qui écoutent la rediffusion. Tu m'as perdu là. Non, comme on n'a pas dit bonsoir, je précise que. Ah oui, c'est vrai. La raison. Bonsoir tout le monde, c'est de retour. C'est pas qu'on... Lou, 10 voilà, minutes bah... après avoir rendu l'antenne. Voilà. C'est pas du fait qu'on soit impoli. Non. La surveillance, Antoine. Non, j'ai pas révisé. Bah, en fait, je sais pas si tu lis qu'elle a enchaîné. Ils ont fait un hors-série. Ouais, c'est pas la première fois qu'ils en font un. Donc j'avais gardé celui qu'ils avaient fait il y a quelques années. Et il y a un deuxième sur la vie privée. Avant, c'était sur un hors série qui s'appelait Je te vois. Je sais pas si tu te souviens de Je te vois. C'était I'm watching you. Je te vois, c'était. Oui, c'est ça, en fait, c'était Sarkozy. Oui. C'est un prof qui a lancé ça des policiers. Il y a eu quelques problèmes, outrage à agent. Je crois qu'il a fait. Je ne sais pas s'il n'y a pas eu une amende pour terminer. Sarko n'est plus là, mais on n'est pas filmé à la radio, non? Pas encore. Ouais, non, pas encore. Il y aura peut-être une webcam bientôt. Ça se fait déjà sur France Inter, je crois, puis même sur les autres radios. Partout, oui. Ça apporte une nouvelle chose, le fait de pouvoir voir nos auditeurs sans que ça devienne le monde de Big Brother, parce que j'imagine que c'est le sujet que tu veux amener ce soir. C'est un sujet assez vaste quand même. Hein. Parce que, il y aurait de quoi faire 3-4 émissions, je pense. Et d'autant plus que c'est vrai que depuis quelques années, c'était un sujet qui a intéressé notamment les Romary Montin quand ce qu'ils ont appelé la vidéosurveillance a vu le jour, les caméras. Donc là, on ne s'y intéressait pas forcément jusqu'à là, mais à partir du moment où elles ont envahi notre ville, on était obligé. Ouais, mais justement, j'en parlerai des caméras de surveillance, parce que peut-être un peu démolir cette idée comme quoi que ça marche. Tu connais un peu le sujet, non? Je pense pas. De? La vidéoprotection. En tout cas, moi, ce que je sais, c'est quand tu dis, tu vas en parler tout à l'heure, je vais peut-être pas spoiler. Ouais, mais ce qui est intéressant déjà, c'est qu'on parle de. Il parle de vidéoprotection. Parce qu'on. Dès qu'on parle de ce sujet, généralement, c'est qu'on commence par changer le sens des mots. Hein. Oui, ça passe mieux que vidéosurveillance, hein, protection, voilà. Forcément. Et l'espionnage, c'est collecte de données, hein, par exemple. On peut trouver plusieurs autres dés comme ça, je pense. Hein. Alors, histoire de la surveillance. Il y a quelques pages assez bien faites dans le canard, je trouve. Alors la surveillance, je vais rien t'apprendre, en fait, elle ne date pas d'hier. Alors, dès la haute antiquité, les pharaons égyptiens, les rois sumériens et les empereurs chinois entreprennent de ficher tous leurs sujets. Les premières opérations de recensement sont organisées au 3e millénaire avant notre ère pour remplir les caisses. Aucune personne et aucun bien ne doivent échapper à l'impôt royal. Déjà, c'était un peu les frères Raptou. Hein. Habitants, esclaves, bétail, terre et même arbres, les scribes inscrivent tout. Plus tard, Rome perfectionne le système. Si le recensement est tout d'abord appliqué aux seuls citoyens romains, la croissance de l'Empire conduit à décentraliser les opérations et les mettre en œuvre dans tous les territoires conquis pour mieux les surveiller et pour percevoir toujours plus d'impôts. C'est ainsi qu'est lancé sous le règne d'Auguste le recensement des populations de Galilée qui va obliger un certain Joseph et une certaine Marie à quitter leur ville de Nazareth pour aller crécher à Bethléem. Pour empêcher les barbares ou d'autres sujets de seconde zone de profiter de leurs privilèges, les vrais Romains doivent être fichés. C'était un peu le sarkozisme avant. Ils sont tenus de déclarer aux autorités dans un délai de 30 jours la naissance de leurs enfants qui... est aussitôt inscrite sur les registres et recopiée sur un album. Panneau de bois blanc placardé sur la place publique. Donc tu sauras d'où vient le mot album. Les censeurs chargés du recensement doivent surveiller le comportement et la bonne moralité des citoyens romains. Pour ne pas perdre une miette d'informations sur les bons et les mauvais penchants de leur sujet, l'empereur Auguste et ses successeurs exerceront eux-mêmes ce pouvoir en s'arrogeant le titre de préfet des mœurs. Il vaut mieux avoir des papiers en règle pour circuler. Sous Valentinien Ier, 4e siècle de notre ère, les jeunes désireux d'étudier à Rome sont tenus de remettre aux autorités de la capitale une permission écrite délivrée par le gouvernement de leur province de résidence. Et le permis de séjour est limité dans le temps. Passé leur 20e année, les étudiants sont en théorie chassés de Rome et réexpédiés à leur pays d'origine. Alors, le contrôle est facilité par la présence de remparts autour des villes. À défaut de caméras de surveillance, les gardes exigent des visiteurs qu'ils montent patte blanche pour pouvoir franchir les portes. Et en cas de trouble, la garnison ne se prive pas de jouer les CRS et de taper dans le tas. Mais la nappe sécuritaire reste pleine de trous. Les essieux dérobés, les pots de vin et les complicités peuvent donner l'occasion d'échapper aux sbires du pouvoir. À défaut d'écoute téléphonique, les flics de l'époque entretiennent de vastes réseaux d'indics, de balances, pour contrôler les classes dangereuses. Par exemple, dans la cité grecque de Sparte, au 4e siècle avant Jésus-Christ, un mouchard à la solde Cryptea, la police secrète de la cité, permet de déjouer la conspiration révolutionnaire de Synadon. Cet officier, dont la carrière est plombée par son appartenance à une caste inférieure, ne supporte plus de voir 1% de la population composé des forts, donc des léo magistrats, de Géronte, sorte de sénateur. Alors, tu vois que on parle de sénateur, on parle de gérontocratie. Oui. Parler des vieux. Ce que tu disais tout à l'heure, encore une fois, transformer les mots pour que ça passe mieux, on change voilà, le mot. C'est la maison de retraite de la mieux payée de la République, le Sénat. Oui, le Sénat, c'est sûr. Donc, je termine avec Synadon, il finit supplicié. Un peu comme beaucoup d'autres. Hein. À Athènes, les dénonciateurs, appelés sycophantes, peuvent décrocher le gros lot. Si le suspect qu'ils ont balancé est condamné par le tribunal populaire, ils empochent une partie de son amende. Plus tard, pour encourager la délation, les doges de Venise, qui gouvernent la ville, installent à la porte de leur palais une sorte de bocca de leone. Bon, je ne sais pas si je prononce bien, mais... Une bouche de lion, une sorte de boîte aux lettres anonyme. L'une d'elles porte aujourd'hui encore l'inscription. Dénonciation secrète contre toute personne qui dissimule des faveurs ou des services ou qui cherche à cacher ses vrais revenus. Les doges et plus la correspondance postale des Vénitiens. Gare à celui qui se montre imprudent ou trop bavard, il risque le bannissement ou l'amputation d'une main. Oh, je ne sais pas, peut-être que tu as déjà vu des reportages sur Venise. Oui. Tu as certainement déjà vu voir ça, les bouches de lion. Elles sont toujours là. Oui, ben c'est... Mais elles ont beau être toujours là, est-ce qu'elles ont toujours la même utilité que lorsqu'elles ont été posées là? Oh, la poste existe depuis le temps. Mais d'ailleurs, on avait il n'y a pas si longtemps, une pratique où on pouvait dénoncer ses voisins sous l'occupation. Mais est-ce qu'il y a un peu... Ce qui est beaucoup moins connu, c'est qu'il y a eu le même phénomène dans le sens inverse après la libération. Il y en a certains qui ont aidé les anonymes pour dénoncer les collaborateurs. Il paraît que les autorités étaient effarées de voir ça. Elles ont même communiqué dans le sens français, reprenez-vous, c'est un peu honteux de faire ça. Bon, je ne sais pas si tu connaissais cette histoire, page d'histoire un peu oubliée. Non, mais c'est vrai que c'est pas, comme tu dis, beaucoup évoqué dans ce sens-là. Voilà, effectivement, c'est pas beaucoup évoqué. Alors, les bouches de lion, ça me rappelle aussi, je sais pas si tu as déjà lu, le Fahrenheit 451. Oui. Voilà. Ah oui, je l'ai lu, j'ai beaucoup aimé. Quelques romans d'anticipation et de surveillance, dictature, dans un monde un peu futuriste, oui, j'ai beaucoup aimé. Ouais, d'ailleurs, je pense qu'il a dû reprendre l'idée des bouches de lion dans le livre, hein, parce que vous pouvez dénoncer tous ceux qui possèdent des livres, vous pouvez les et dénoncer, mettre une lettre de dénonciation dans des boîtes spéciales. Alors je continue. En France, les troupes de la Fronde encouragent le pouvoir royal à placer la noblesse sous haute surveillance. C'est l'acte de naissance du fameux cabinet noir. Une équipe qui ne dépend que du roi Louis XIV et de son premier ministre intercepte et lit les missives, même celles envoyées par la haute noblesse. À Versailles, la prince palatine Elisabeth Charlotte de la Bavière en fait les frais. Cette aristocrate allemande qui était mariée contre son gré au frère du roi Soleil, le duc d'Orléans, supporte mal de vivre dans une prison dorée. Dans les lettres qu'elle adresse à sa famille restée outre-Rhin, elle ne mâche pas ses mots quand elle aborde le sujet de l'homosexualité de son mari et surtout, elle ose traiter de vieille ordure ou de vieille ratatinée la très prude Madame de Maintenon, qui est devenue l'épouse secrète de Louis XIV. La palatine est très vite privée de mettre une sourdine à ses imprécations. Le pouvoir crée une brigade spéciale pour passer au peigne fin les imprimeries et les auberges, mais aussi tous les voyageurs qui viennent de pays, comme de la Suisse ou de l'Allemagne, où l'on peut écrire ou publier à peu près librement. Leur mission, traquer les libelles, ces étis satiriques et souvent diffamatoires qui circulent sous le manteau et prennent pour cible les grands du royaume. Le cardinal de Mazarin y était, par exemple, traité de bougre sodomisant l'État. Et la reine Marie-Antoinette y était accusée des pires turpitudes sexuelles. Le plus féroce de la traque des écrits séditieux s'appelle Gabriel Nicolas de Larigny. C'est le premier titulaire de la charge de lieutenant général de police de Paris, une sorte de super-préfet créé par le jeune Louis XIV en 1667 pour avoir ses sujets à l'œil. Une de ses premières mesures est d'instaurer un éclairage public à l'huile dans les rues de Paris, une décision qui contribue à sécuriser la capitale, mais aussi de mieux surveiller d'éventuels agitateurs. La police de l'Araignée se dote d'une brigade de mouches, les apprend des agents provocateurs qui arpentent les lieux de drague comme le jardin des Tuileries ou feignant d'être homosexuels pour obliger les vrais bougres à se démasquer. Ceux-là sont interpellés et aussitôt envoyés à la Bastille. Alors, l'Araignée, ça me dit peut-être quelque chose. La mascotte fer. Le film avec Leonardo DiCaprio, oui. Dans tous les cas. Voilà. Alors, il paraît qu'il y a plusieurs hypothèses dans le masque de fer. Donc, il y en a une qui, où l'araignée a un rôle assez prépondérant, on va dire. Alors, je ne sais pas si tu connais, c'est quasiment la moins connue. En fait, selon cette hypothèse, en fait, Louis XIV n'est pas le fils de Louis XIII. Parce que... Le médecin qui autopsie Louis XIII aurait constaté qu'il aurait été incapable de procréer. Et donc, le masque de fer qui portait un masque de velours aurait été le beau-fils du médecin qui aurait eu accès à des papiers et qui malheureusement on aurait parlé à un de ses amis qui s'appelait l'araignée. J'ai l'impression que tu es en train de nous lire Voici, là. Non, mais c'est... ou autre livre de Potin. Non, j'ai un petit aparté, parce que je trouve que là, intéressant, c'était pas... Ouais. En plus, elle est quand même bien, comment dirais-je, bien argumentée. Alors, l'araignée aussi, il a fait regrouper tous les libraires au même endroit à Paris. Je crois que ça doit être près du quartier latin. Et c'est lui qui avait fait aussi évacuer la cour des miracles. Tu sais pourquoi on appelait ça la cour des miracles ? Moi je sais. Tu sais, non ? Elle est plus jeune que moi, donc l'école est plus proche, on va te dire. J'ai pas appris ça à l'école, figure-toi. J'ai appris ça par le biais d'un jeu vidéo, enfin par le biais de monsieur qui m'a appris ça dans un jeu vidéo. Explique-lui alors. Si je me trompe pas, tu vas peut-être me dire si je me trompe, mais la cour des miracles, c'est un endroit où il y avait plein de... Tous les pauvres, tous les SDF, quoi. Voilà, et beaucoup, en fait, qui se faisaient passer pour des gens qui avaient de graves maladies, qui étaient aveugles ou boiteux ou des choses comme ça. Et une fois qu'ils avaient obtenu ce dont ils avaient besoin, miracle, ils n'avaient plus rien. D'où la cour des miracles. D'ailleurs, on en entend parler dans Notre-Dame de Paris, enfin Quasimodo, tout ça. Oui, la comédie musicale. Le livre, quoi. Le roman. Mmh. Ah oui, de Victor Hugo, je n'ai pas encore lu. À la base. Voilà, oui, je continue. Alors, Passé 1789, la surveillance n'est plus une nécessité royale, mais un impératif patriotique. Des patrouilles de sans-culottes ont remplacé les archers du guet. Sur les assignats figure désormais la devise. La nation dénonce, récompense le dénonciateur. La tourmente passée, le nouveau pouvoir napoléon s'empresse de contrôler plus étroitement les agitateurs. Apparemment, c'est ce que voudrait faire le futur président brésilien. Ah oui, Bolsonaro, c'est ça. Voilà. La police du ministre Fouché se dote d'un fichier des opposants royalistes, dénommé Topographie Chouanique, et la police dégarnie, quadrille les hôtels borgnes. Mieux, chaque matin, le ministre transmet à l'empereur un bulletin quotidien qui recense l'essentiel des informations recueillies par ses services. Potin est fake news complice. C'est l'ancêtre des notes blanches que les services de renseignement transmettent encore de nos jours à la place Beauvau et à l'Élysée. Alors, Napoléon crée également par la loi du 22 Germinal en 11, le 12 avril 1803, un livret ouvrier pour contrôler le déplacement des travailleurs. Il est généralisé par son neveu Napoléon III en 1854 avant de tomber en désuétude. Avec la révolution industrielle et la création de grandes usines, les ouvriers se sédentarisent, sont directement fichés par leurs employeurs, ce qui est quand même beaucoup mieux. L'idée du livret est reprise en 1912 par la Troisième République pour imposer aux gens du voyage un carnet anthropométrique. Ils sont tenus de présenter aux gendarmes à la première réquisition. Et remplacé en 1969 par un livret de circulation qui ne sera supprimé qu'en 2017. Je vais faire une petite parenthèse. Tu connais les empreintes digitales ? Oui. Tu sais ce qu'il y avait avant ? À la place ? Avant les empreintes digitales. Non. Enfin, j'ai une idée, vas-y voir, dis. Les fiches anthropométriques. Ça avait été inventé par un Français. C'est Berthelot, il me semble. Alors, je ne sais pas si tu as lu Arsène Lupin, mais en fait, tu sauras en lisant Arsène Lupin qu'en fait, ils n'ont jamais pu l'identifier parce qu'ils ont perdu ces fiches anthropométriques. Et qu'est-ce qu'il y a dans ces fiches anthropométriques ? Eh bien, c'est un peu de rapport avec les caméras de surveillance futuristes, parce qu'en fait, tu as la taille de... Voilà, la couleur des yeux, la taille des oreilles, du nez, de la bouche, tout ça. Oui, c'est ça. Et plein de choses, alors tu vois ouais, que... Je te coupe juste deux secondes, en fait, que les auditeurs comprennent. Mika s'est juste amusé à mimer le nez de Pinocchio et s'est tiré les oreilles. Ouais. Voilà. Ça me rappelle une autre anecdote que sur Internet. Il y a quelques années, il y a des farceurs qui avaient créé un faux site Internet avec une marine avec un grand nez. C'était le ministère de la délation de la citoyenneté. Alors, tu pouvais dénoncer ton voisin. Alors, tu pouvais choisir le motif. Il vit au-dessus de mes moyens. Ou une femme plus belle que la mienne. Enfin, c'est un truc assez rigolo, quoi. Mais en changeant un petit peu, on peut créer un vrai site aussi, hein. Il suffit qu'on utilise un président, un peu à poigne, ça pourrait arriver. Hein. Alors, on se fait une pause musicale ? Avec plaisir. Alors, tu as proposé le morceau « La médaille » de Renaud. Attends, je vais essayer de faire en sorte que ça passe comme il faut, parce qu'on a souvent des problèmes avec Deezer. Donc, on s'écoute ce morceau et on se retrouve dans quelques instants. Un pigeon s'est posé sur l'épaule galonnée du maréchal de France. Et il a décoré la statue dressée d'une gastrique offense. Maréchaux assassins, sur vos bustes d'airain, vos poitrines superbes. Vos médailles ne sont que fientes de pigeons de la merde. Un enfant est venu au pied de la statue du maréchal de France. Une envie naturelle l'a fait pisser contre elle, mais en toute innocence. Maréchaux assassin, le môme, mine de rien, a joliment vengé. Les enfants et les mères que dans vos sales guerres vous avez massacrés. Un clodo s'est couché une nuit juste au pied du maréchal de France. Ivre mort au matin, il a vomi son vin dans une gerbe immense. Maréchaux assassins, vous ne méritez rien de mieux pour vos méfaits que cet hommage immonde pour tout le sang du monde par vos sabres versés. Un couple d'amoureux s'embrasse sous les yeux du maréchal de France. Muet comme un vieux bonze, il restera de bronze, raide comme une lance. Maréchaux assassins, l'amour ne vous dit rien, à part bien sûr celui de la patrie, hélas, cette idée dégueulasse qu'à mon tour je conchis. Voilà, de retour sur Radio Gomozo. Alors, t'as même pas écouté les paroles de la chanson. Si, j'étais tout à l'écoute de ce titre de Renaud. Alors, qu'est-ce que ça disait, Mika? Ta-ta-ta. Non, en fait, j'ai choisi la chanson-là parce que c'est le centenaire de la fin de la Première Guerre mondiale. T'as quand même suivi la polémique sur Pétain. Bah oui, là, on pouvait pas passer à côté. Hein. Voilà, parce que... Si t'as écouté la chanson, j'ai envie de dire merci aux pigeons. Hein, parce qu'ils mettent leur fiente sur les statues des maréchaux assassins. Parce que Pétain, c'était pas qu'un simple traître, c'était un double traître. Même. Bah, il a d'ailleurs été frappé d'indignité nationale. C'était même un traître avant la Seconde Guerre mondiale. Hein. Ouais, je raconterai ça à la prochaine mission. Oh, tu fais du teasing. Voilà. Ouais, bah Renaud, c'était déjà il y a 20 ans. Il n'a plus la même voix quand même, ça. C'est le... bah non. C'est une vraie pub contre l'alcool. Mais les gens sont quand même allés le voir lors de sa dernière tournée. Hein. Elle a fait un carton, bien qu'il n'ait plus de voix. Ses chansons existent encore. Comme tu dis, hein, c'est vrai qu'elles sont très pertinentes. Elles l'étaient. Il n'y en a pas tellement hein, qui... Mmh. Bon, je continue mon petit historique de la surveillance. Je vais revenir maintenant à une période beaucoup plus récente, période moderne, on va dire. Mais juste parenthèse, c'est ça que j'aime bien dans ton émission, Antoine, c'est que généralement, les thèmes importants que tu proposes, qui sont d'actualité, on s'aperçoit que, bien évidemment, j'ai envie de dire, ils existaient bien avant. Et donc c'est intéressant de remonter l'histoire comme ça. Ouais. Parce que là, je veux dire que le canard m'a un peu mâché la tâche. J'ai quand même rajouté 2-3 infos. Donc en 1886, le ministère de l'Intérieur entreprend de ficher les anarchistes, les pacifistes et les antimilitaristes. C'est le fameux carnet B qui doit servir à effectuer une vaste rafle au premier jour de mobilisation contre l'Allemagne. Alors c'est un truc que j'ai appris en lisant le canard. C'est l'ancêtre du fameux fichier S, où on trouve un tas de catégories, des gens qui ne sont pas du tout terroristes, mais qui dérangent juste la police. Mais en août 1914, le ministre de l'Intérieur de l'époque, Louis Malvy, décide, contre l'avis des ultras, de laisser sagement le carnet B dans les tiroirs. Ce n'est plus la peine de sortir la matraque. Au moment où la plupart des pacifistes rejoignent d'eux-mêmes l'Union sacrée. La France n'a pas le monopole sécuritaire. À la même époque, l'Okhrana, la police secrétariste, multiplie les exploits dans la Russie impériale. Les organisations révolutionnaires sont alors truffées d'agents doubles, on en compte environ 35 000. Mais l'extrême gauche russe utilise les mêmes méthodes et infiltre la police. À tel point qu'on ne sait plus bientôt qui manipule qui. balayé par la révolution de 1917, l'Okhrana ne disparaît pourtant pas tout à fait. Les bolcheviks perfectionnent et développent à très grande échelle ces méthodes en fondant le NKVD, puis le GPU, puis le KGB, modèle de la future Stasi de la RDA. Alors, une petite parenthèse sur la Stasi. Je ne sais pas si tu connais l'homme de l'Allemagne d'Est qui était travaillé pour la Stasi. Non. 10%. C'était absolument énorme. Bon, ils n'étaient pas tous des délateurs volontaires. Hein. Certains qui étaient un peu forcés. Bah, c'était déjà le cas sous le règne du nazisme. Parfois, on leur disait, tu collabores ou sinon ça va très mal se passer pour toi. Voilà, et c'était oui la surveillance avec Stasi. D'ailleurs, tu l'as pas précisé, mais le nom veut dire Staatssicherheit, donc sécurité de l'État. Donc voilà, sous couvert de vouloir sécuriser le peuple et renforcer l'Allemagne de l'Est, on fliquait tout le monde littéralement. Voilà. Mais la sécurité aussi de en Roumanie était assez célèbre aussi pour ses méthodes. Hein. Les mêmes méthodes, et puis des méthodes de torture assez élaborées. Hein. C'est assez sinistre. Donc, dans la nouvelle URSS, comme en Occident, Barbouze et Poulet se mettent aux écoutes téléphoniques au lendemain de la Première Guerre mondiale. Dans les tranchées, les militaires ont compris l'intérêt de se doter de grandes oreilles. La paix est revenue, les flics prennent le relais d'autant plus facilement qu'il n'existe à l'époque aucune loi pour protéger la vie privée. En France, le système reste assez artisanal jusqu'à l'arrivée des troupes allemandes à Paris en juin 40, qui s'empressent d'installer un centre d'écoute téléphonique dans une caserne du boulevard de la Tour Maubourg. Près de 80 ans plus tard, ces locaux fonctionnent toujours, sous la houlette du groupement interministériel de contrôle chargé des écoutes administratives. Les techniques de fichage font aussi de spectaculaires progrès. En 1882, le criminologue Alphonse Bertillon inventait son système d'anthropométrie judiciaire. Donc c'était Bertillon, je me suis trompé tout à l'heure. Hein. 14 mensurations de différentes parties du corps et les photos d'identité de face comme de profil permettent de cataloguer les suspects sans grand risque d'erreur. À la préfecture de police de Paris, le commissaire André Tullard entreprend dans les 1930 de moderniser le fichier des étrangers. Sous l'occupation, ce fichier lui permet de créer un autre fichier, celui des Juifs. Pour moins de 400 000 personnes y seront censées. Les entrées différentes, par ordre alphabétique, nationalité, adresse et profession, simplifient le tri des bourreaux. Pour faciliter le tri, les Juifs français se voient attribuer des fiches bleues, les étrangers des oranges et les apatrides des beiges. Le rythme est accéléré grâce à des machines à carte perforée, vendues par IBM aux nazis dès 1933 pour faire la chasse aux juifs. Dans l'après-guerre, les entreprises se modernisent et les techniques aussi. L'exposition fichier organisée en 2011 par les Archives nationales a montré des exemples de fiches ultra détaillées établies par des usines textiles du Nord. Dans les années 50-60. Au nom de la chasse au coco, c'est l'open bar dans les fichiers de police. Un simple coup de fil au poulet permet alors à un nombre d'employeurs de tout savoir d'un candidat à l'embauche. C'est un peu l'ancêtre du fameux fichier stick. Déjà entendu parler. Ouais, normalement, ça n'existe plus. Mais... Une sorte d'open bar de la police au poulet. Pouvaient rentrer tout et n'importe quoi, puis certains policiers pouvaient en sortir tout et n'importe quoi aussi, avec un taux d'erreur assez hallucinant. Hein. INSEE, banque, sécu, allocation familiale, service militaire, impôts. Dès les 30 glorieuses, chaque Français se retrouve fiché plusieurs fois. Cette situation inspire en 1973 une drôle d'idée au pouvoir pompidolien. Rassembler en secret toutes les données dans un gigantesque fichier. Géré directement par le ministère de l'Intérieur. C'est le projet Safari, pour système automatisé pour les fichiers administratifs et le répertoire des individus. Mais un journaliste du Monde, Philippe Boucher, déballe tout en mars 1974 dans un article « Safari ou la chasse aux Français ». Le scandale est immense et le Safari gouvernemental s'arrête net. C'est à la suite de cette polémique qu'est créée en 1978 la création de la Commission nationale de l'informatique et des libertés, la CNIL, censée empêcher de telles dérives. Tu connaissais le projet Safari ? Non. Non. Il donne la date de 1974, moi j'ai une autre, mais 1975, après. Donc sous Giscard et Poniatowski. On a une naissance, tout le monde s'en fout, mais j'ai oublié de le signifier. Aucun rapport avec l'émission. Non, mais bon, forcément. À moins que tu veuilles donner ta date de naissance pour... Pour le fichier ? Non, pour la NSA. Ah. Non ? Non. Donc, le Safari de 1973 fait pourtant aujourd'hui figure de tout petit joueur en comparaison de Google, Facebook et Twitter. Il dispose d'un million de fois plus d'informations sur des milliards d'individus, avec des citoyens presque aussi désarmés qui pouvaient être 3000 ans avant notre ère, les paysans égyptiens face au diktat de leur pharaon. C'était un peu long, mais je trouve que c'était plus qu'intéressant. Ah, tiens, je vais te raconter une histoire. Peut-être que tu te souviens de ça, ça avait fait... On avait beaucoup parlé il y a 10 ans. Alors ça commençait ainsi. Bon anniversaire Marc. Le 5 décembre 2008, tu fêteras tes 29 ans. Tu permets qu'on se tutoie Marc. Tu me connais pas, c'est vrai. Mais moi je te connais très bien. C'est sur toi qu'est tombée la malchance d'être le premier portrait Google du tigre. Une rubrique toute simple, on prend un anonyme et on raconte sa vie grâce à toutes les traces qu'il a laissées volontairement ou non sur Internet. C'est ce qu'on appelle les métadonnées. Jeune architecte d'intérieur travaillant dans un cabinet de la région nantaise, Marc L. a dû tomber de sa chaise en ouvrant le numéro 28 de la revue Le Tigre, une publication qui paraît tous les deux mois. Comme si un miroir papier lui était tendu, Marc L. découvre tous les détails de sa vie racontée dans le journal, qui veut prouver par son enquête la multiplicité des informations qu'on peut trouver sur quelqu'un rien qu'à partir du net et sans qu'il en soit conscient. Le Tigre a ainsi trouvé de nombreuses photos de lui sur flic.fr, cette banque d'images qui permet de partager ses clichés avec ses amis. Donc ça porte bien son nom. Par Facebook, il sait qu'il est célibataire, hétérosexuel et est arrivé depuis septembre dernier dans un gros cabinet d'architecte. Il ignore rien de ses déplacements professionnels au Canada ou en Italie, ni de sa liaison au printemps dernier avec Claudia, charmante, petit sein, cheveux courts, jolies jambes, remplaçante de Jennifer avec qui il a vécu 2 ans. Le journaliste a même retrouvé dans les archives Google de la presse locale traces du groupe punk fondé avec des copains de l'université de Montpellier et pu entendre chanter grâce à quelques vidéos en ligne sur YouTube. Comme le groupe donne encore quelques spectacles, le Tigre peut même publier le numéro de portable de l'intéressé. La presse locale a informé, Marc L. se retrouve dans une photo en une dans Presse Océan et ce titre, traqué sur le net. Son histoire se diffuse à toute vitesse. France 3, l'AFP, puis de grands quotidiens nationaux souhaitent tous avoir une réaction de Marc L. qui décide de se cantonner dans le silence. Après une explication téléphonique musclée avec l'auteur du papier. Le Tigre est lui aussi totalement dépassé par le succès. Le nombre de connexions est tel qu'il faudrait expatrier l'article sur un serveur plus puissant. Initialement, la rédaction a prévu de publier dans chaque numéro un portrait d'anonyme du net, mais depuis, il y a renoncé. Donc, c'était aussi un article du Canard, il y a 10 ans. Alors, j'ai pris cet article parce que j'ai trouvé qu'il était absolument parfait pour résumer le fichage sur Internet. Oui, oui, t'as raison. On peut maintenant, avec Internet, on peut tout trouver en 3 clics. D'ailleurs, pour savoir ce qu'il en est de vous, n'hésitez pas à taper votre nom, prénom, ce qu'on appelle se googliser pour voir ce qu'il en est. Et s'il le faut, employer un pseudo. En ce qui me concerne, moi, sur Facebook, je passe par un pseudo. Et si on tape mon identité, on trouve simplement la vie de décès de ma grand-mère. Donc, c'est tout ce qu'on trouve. Avant, il y avait mes résultats du bac aussi, mais il a 6 ans maintenant. Par contre, attention aux homonymes, parce que moi je sais que par exemple, en tapant mon prénom et nom, ce qui est sorti, c'est pas moi, quoi. Je veux dire, c'est mon homonyme. Oui, ça c'est en ce qui concerne les homonymes. Et toi, Antoine, est-ce que tu t'es amusé à te googliser pour voir si tu étais trouvable sur Internet? Oui, j'ai déjà fait une fois. Alors, ce que j'ai trouvé, c'est des articles de journaux. Donc, je vais donner des petites conférences, tout ça. Donc, rien de bien... Je m'utilise pas de Facebook, moi. Je suis contre ce machin, là. Pareil. Ben, c'est un bon outil de travail. Hein. Je rappelle qu'on a une page Facebook Radio Game. C'est un bon outil de travail pour la police surtout. Non mais par contre, Antoine, c'est vrai que bon, pour les particuliers, moi en tant que particulier, je suis aussi contre et je n'ai pas. Mais tous les artistes qui passent ici nous le disent. C'est vrai qu'ils ont laissé tomber le site internet et maintenant utilisent Facebook parce que c'est un minimum d'implication, un minimum de temps passé pour un maximum de contacts. Tu vois ? Voilà. Et de possibilités d'informer. Oui, donc ça dépend en fait de la manière dont on s'en sert. Comme tout outil, finalement. Mais bon, après, ça dépend de la manière dont on s'en sert. Mais malheureusement, les données sont collectées. Enfin, oui, je veux dire, ça, c'est un fait. Maintenant, on sait quelle est ma date d'anniversaire. Après, entre ma date d'anniversaire et mon identité véritable, ça va être un petit peu plus compliqué. On se fait une deuxième pause musicale. Allez, tu as proposé Cauchemar psychomoteur de Hugues Auffray qu'on s'écoute maintenant et on se retrouve juste après. Et ce sera... Comme j'avais beaucoup marché, j'étais fatigué. Je vois une espèce de ferme, je me dis je vais m'arrêter. J'ai dit hé hé là-dedans, y a-t-il quelqu'un de vivant? Je me sentais vraiment seul devant la maison. Quand soudain devant moi, un grand gaillard de fermier vient me braquer son canon à la hauteur du menton. Je tombais sur les genoux en criant mais vous êtes fous. Moi j'aime bien les fermiers, ne me tuez pas s'il vous plaît. Il s'en est fallu des riens qu'ils ne me tirent comme un lapin. C'est vous l'espèce de vagabond qui vient pour mendier. J'ai dit non, non, non, je ne suis pas ce que vous croyez. En droit je suis licencié, j'ai fait l'université. Alors arriva la fille qui s'appelait Rita. Elle semblait tout droit sortie de la Dolce Vita. Et je me mis en devoir de la madouer comme son père. Je lui dis la jolie ferme que vous avez là. Dites-moi qu'est-ce qu'un étudiant connaît à l'agriculture. J'ai répondu brave gens, je suis un puits de culture. Yeah. En voyant mes ongles sales, il sut que je travaillais. Il me dit d'un air futé, vous avez l'air fatigué. Oh oui, j'ai fait 800 bornes et j'en ai vraiment plein le dos. Il me jeta sur la paille avec les bestiaux. Tâchez de rester tranquille ou sinon moi je me fâche. Ne touchez pas à ma fille et demain faut traire les vaches. Bien. Je ne dormais que d'un œil quand Rita vint me secouer. Elle me faisait de l'œil comme Tony Perkins. Elle me dit viens prendre une douche, je vais te montrer où c'est. J'ai répondu hé hé hé. Là, on me l'a déjà fait. J'essayais de me défiler, je ne savais pas trop comment. Mais Rita insistait vraiment très très gentiment. Bien. Je ne pouvais plus mentir et j'avais l'air d'un lâche. J'aurais pas dû accepter d'aller demain traire les vaches. Pour sortir de cette histoire, fallait trouver un moyen. J'ai crié Fidel Castro, c'est un bon copain. Rita pas vu suffoquer, j'ai cru que c'était gagné. Quand le fermier soudain surgit en hurlant, qu'est-ce que t'as dit? J'ai dit vive Fidel Castro, vous m'avez compris. Il me tomba sur le dos à bras raccourcis. Rita parla de sa mère qui dormait au cimetière, tandis que le vieux me flanquait un coup dans le buffet. En enfer je t'expédie, si tu ne t'en vas pas tout de suite. Espèce d'étudiant pourri, espèce de rat communiste. Yeah. Il me jeta à la tête un Je fis une pirouette, le vieux prit son escopette. J'éclatais par la fenêtre à 180 à l'heure et j'atterris en tempête dans un pot de fleurs. Revenez, criait Rita, le père chargeait son engin. Quand le soleil se leva, moi j'étais déjà très loin. Même si Rita est partie, je ne reviendrai pas si tôt chez ce vieux fermier maudit, car j'ai trouvé un boulot. Mais la sacrée vieille canaille espère bien me faire cueillir un jour par son FBI, mais il peut courir. Je continue à penser envers et contre tout, sans liberté de parler, on est moins que rien du tout. Yeah. Alors, vous êtes toujours sur Radio Gamazo, où ce soir on parle de surveillance. Ah, là, je sens que ça va t'intéresser. J'espère que c'est le moment des caméras, parce que j'aimerais bien qu'on en parle. C'est le moment des caméras de surveillance. Est-ce que tu te souviens, quand ça a été voté en conseil municipal Romary-Montin, qu'il y avait des personnes de l'opposition qui étaient venues avec des caméras au conseil municipal pour montrer ce que c'était que d'être filmé? Oui, j'avais entendu parler de cette histoire, effectivement. Alors, est-ce que tu sais combien il y a de caméras sur la voie publique en France? Oh là! 42! En France, sur la voie publique! 70 000. Non, ça c'est une référence que vous ne pouvez pas comprendre non plus, c'est une nouvelle 42, mais c'est pas grave. Oui, 70 000, tu as dit, en France. Voilà, un bon million dans les lieux dans les lieux ouverts au public et une quantité indénombrable dans les immeubles et les parkings. Dans les entreprises, c'est de plus en plus répandu. Alors, à quoi servent les caméras de surveillance? Tu l'as dit, on ne dit pas de surveillance, on dit de protection. Vidéoprotection, en plus j'allais le dire. Alors, dans une enquête, vous êtes filmé, le sociologue Laurent Micheli a conclu que la présence de caméras aidait très peu à résoudre les affaires pénales. Selon son estimation, les images de telles caméras ne sont utilisées comme élément parmi d'autres que dans 1 à 3% des enquêtes. Elles ne servent pas non plus, selon lui, à protéger, car aucun attentat n'a jamais été déjoué grâce à une caméra. On se souvient, par exemple, que l'auteur des attentats de Nice avait tranquillement conduit son camion en repérage et en infraction sur la promenade des Anglais pendant plusieurs jours, sans être détecté par une des nombreuses caméras installées à grand renfort de propagande par le maire, Christian Estrosi, qui a trouvé que ça marchait super bien, même après les attentats. Il y a quand même une obstination de la droite à vouloir mettre des caméras partout alors que ça ne marche pas. Pour Micheli, la vidéosurveillance a surtout en effet deux intérêts. Entretenir le marché de la sécurité qui représente plusieurs milliards d'euros par an et verbaliser plus facilement et plus directement les infractions routières. Donc faire rentrer de l'argent dans les caisses publiques. Il faut bien financer l'installation des caméras. Ah, tout de suite. Hein. On croit entendre les gilets jaunes. D'ailleurs, il n'y a pas qu'à Nice que c'était complètement inutile, hein, aussi à Londres. Hein. Oui. Avec cette magnifique phrase de Sarkozy, je suis impressionné par l'efficacité de la police britannique grâce à ce réseau de caméras. Ça, c'est effectivement le cas. Et aussi à Remiremont, j'en reviens à notre ville. Bon, pas par rapport à des attentats, mais je ne sais pas si tu te souviens, notamment, je me rappelle, c'était en bas de la rue de Charles de Gaulle, il y avait eu, c'était les cambriolages, c'était un magasin, je crois. En tout cas, là, il n'y avait pas de caméra. De toute façon, les caméras, oui, il n'y en avait pas, là, de toute façon. Enfin, c'est pour dire que oui, c'est, la ville, elle a beau être avec plein de caméras, ça n'en, comme tu dis, ça n'empêche pas qu'il y ait des délits, quoi. Ouais. Ah, d'ailleurs, je n'ai pas fini de parler de ça, parce qu'il y a une information assez intéressante qu'ils ont donnée dans le Canard. Donc, à Rennes, on a pris la question de la vidéoprotection, comme je disais, on change le sens des mots, très au sérieux. La majorité PS a implanté un modeste réseau depuis 2010. Une trentaine de caméras de voie publique. Mais a décidé, grande première, de l'évaluer. Pour 10 000 euros, la ville a fait plancher Eric Hellman, un universitaire de Dijon, en 2016. Et ce rapport est quand même vachement impressionnant. Il conclut à une inutilité flagrante du système. Primo, le système des images vidéo dont l'élucidation des délits est quasiment nulle. Seulement 0,1%, voire 0,45% en centre-ville. Donc, je disais 0,1% d'effets élucidés sur la voie publique. C'est impressionnant, hein, 0,1%. Noté grâce aux images. Deuxièmement, les caméras ont aussi un faible impact sur la prévention de la délinquance. Soit les délinquants vont voir ailleurs, ce qui est assez logique, ils appellent ça l'effet Plumeau, soit ils ne changent rien à leur trafic. Tertiaux, seul le sentiment d'insécurité s'atténue. Mais à son compte-là, autant déployer des caméras en carton. Qu'a décidé la municipalité sans délibération du conseil de passer de 32 à 40 caméras et d'en ajouter 8 mobiles pour suivre les manifestations. Ça se passe de commencer, je pense. Un petit mot sur Londres aussi. Avec ce commentaire de Scotland Yard qui connaît bien le sujet à propos des caméras. En 2008, il parlait de fiasco complet. Et Bruce Schneier, spécialiste anglo-saxon en sécurité, abonde. Les délits sont très rarement résolus à l'aide de caméras de surveillance. Leur effet préventif est faible. Et il ajoute, si les caméras garantissaient la sécurité des citoyens, Londres, la ville la plus vidéosurveillée, serait la ville la plus sûre du monde. Or, ce n'est pas le cas. On pourrait faire pareil, Mirmont, faire une évaluation. Non, je pense qu'ils ne seront pas d'accord. Il faut rassurer les... Mais bon, c'est ça, tu viens de dire le terme. Hein. À chaque fois, c'est... Ben, j'ai envie de dire juste pour rassurer les gens, quoi. On en revient à l'effet placebo. Oui, c'est un peu ça. Mais c'est une sorte d'effet placebo. Ouais. Alors, j'aurais pas le temps de te parler ce soir, mais... je voulais parler aussi de la... Tu connais la NSA? Oui, t'en as parlé tout à l'heure. La NSA, ça fait penser à qui? Edward Snowden. Ah? Edward Snowden, je pense que ça dit quelque chose. Oui, ça te dit rien, Mika? Si, si. Oui, ce qui veut dire non. Alors, si je ne me trompe pas. C'est le lanceur d'alerte le plus célèbre du monde. Oui, le nom, il me disait quelque chose, ouais. Mais je n'arrivais pas à situer. Mais ce n'est pas le premier, en fait, c'est le deuxième. Hein. Parce qu'il y en a un autre qui est assez célèbre aussi, qui s'appelle Duncan Campbell. C'est un Anglais. Alors, lui, il s'est fait connaître en 1976. Avec un article qui était publié dans un journal que j'ai oublié le nom du journal, mais enfin, c'est pas grave. Ceux qui écoutent aux portes. Alors, il dévoilait ce qu'on appelle le réseau échelon. Alors, qui était divisé en trois parties. La première partie, qui s'appelait INT, qui interceptait les signaux satellites. La deuxième partie, le RADINT, qui interceptait les signaux radar. Et la troisième partie, le COMINT, qui intercepter les messages radio civils et militaires. Or, suite à ces révélations, qu'il n'a pas été cherché dans les sources secrètes, mais qui étaient publiées dans des sources tout à fait ouvertes, il avait fait à l'époque 40 jours de préventive. C'est un sujet qui dérangeait beaucoup. Alors, il récidive en 80, où il révèle que la Grande-Bretagne est écoutée par les USA. En 88, il révèle l'existence du réseau échelon. Donc ça s'appelait pas le réseau échelon. Ce qui a changé, c'est le LUCUSA. Donc les LUCUSA, c'est les pays qui sont, on va dire, anglo-saxons occidentaux, qui participent tous au réseau échelon. En 82, il révèle l'existence. C'est lui qui révèle l'existence de la NSA. Donc la NSA, c'est ceux qui écoutent depuis les États-Unis. Et en 98, Il révèle une nouvelle facette du réseau Echelon, c'est-à-dire l'espionnage industriel. Avec notamment, à titre d'exemple, Boeing qui a perdu quelques contrats en sa défaveur, mais en faveur de Boeing, suite à l'espionnage de la NSA. Donc on passe en 2013 avec les révélations des écoutes de la NSA. Qu'est-ce qu'on pouvait trouver dans les informations transmises par Edward Snowden? On pouvait trouver la transmission des relevés téléphoniques des entreprises à la NSA, donc les entreprises de téléphonie américaine, Verizon, AT&T et Bell South. Bon, je ne vais pas parler de tous ce qu'on appelle les GAFAM. Parce que j'ai même pas le temps d'en parler ce soir, mais... Et t'as même pas parlé des écoutes sous Mitterrand? Non, mais j'aurais pu en faire un mot, mais enfin, c'est pas très important, ça, comparé au reste. Alors, il révèle aussi le successeur du réseau Echelon, le Prism. Donc, les 9 plus grandes entreprises américaines qui donnent des informations sur les usagers. Donc, c'est-à-dire, je parlais des entreprises téléphoniques, plus les GAFAM. Donc, c'est Google, Amazon, Facebook, Apple et Microsoft. Puisque, suite au 11 de septembre 2001, toutes ces entreprises ont obligation de livrer des informations aux services secrets américains. Donc la CIA et le FBI. Alors, il révèle aussi, c'est une chose assez gênante, que les conversations des fonctionnaires américains sont écoutées à leurs insu et conservées ad vitam aeternam. Ça me rappelle un peu l'affaire du Watergate. Ce qui avait beaucoup nuit à Nixon, c'est qu'il écoutait ses collaborateurs sans leur insu dans la Maison Blanche. Est-ce que tu te souviens aussi de... Il y avait une rumeur qui circulait à une certaine époque. C'est-à-dire qu'en parlant devant un micro à la radio ou à son téléphone, on pouvait être écouté par l'NSA suite à des mots-clés. Ah non. Le fait de... Oui, à l'époque de dire prononcer Ben Laden, tu pouvais être écouté par la NSA. En fait, on ne savait pas si c'était vrai, mais en fait, c'était vrai. C'est ce qui a été aussi révélé dans les informations qui ont été données par Edward Snowden. Et est-ce que je peux ouvrir une petite parenthèse par rapport à des écoutes? Là aussi, c'est local, hein, vous en avez entendu parler. La maison de retraite L'Accueil, l'ancienne direction, avait mis des micros. Donc en ce moment, c'est d'actualité. Hein. Il y a des salariés qui se sont plaints de ça. Donc une salariée avait retrouvé des micros au-dessus d'armoire. Ils étaient écoutés. Hein, c'est local. Voilà. Mais ça va être, ça va être jugé. Hein. C'est pas dur, hein, on parlait du canard enchaîné, il y avait l'affaire des micros du canard 73, mais maintenant il n'y a plus besoin de ça, hein, avec un simple smartphone, parce que tu as toutes les fonctions possibles avec le smartphone. Hein. Tu as des contacts sociaux, tu as des informations sur ton comportement, le lieu où tu habites, tes photos, ton numéro de carte bancaire, et un mot de passe aussi, identifiant électronique. D'ailleurs, tu peux être identifié avec ton smartphone, mais même avec ta carte bleue. Il paraît que c'est avec la puce, on peut te repérer partout. Ah oui, il y a des téléphones qui utilisent la localisation, si c'est ça que tu voilà, la géolocalisation. Oui, exact. J'avais prévu d'en parler, mais j'aurais pas le temps. Donc c'est un peu hélas, dommage. Non, il nous reste environ 6 minutes, techniquement. Mais bon, ça, on n'est pas obligé qu'elle soit activée. Hein. Ah, je vous propose la géolocalisation. Non, ça c'est une option qu'on peut mettre ou ne pas mettre. Voilà. En tout cas sur mon téléphone. De quoi ? Un peu de culture pour terminer. Allez. On parlait de lecture futuriste tout à l'heure. Il y a un adjectif qui revient souvent. C'est un qualificatif, c'est celui d'orwellien. Hein. de oui. Orwellien. Pour, ah bah oui, bah, de toute façon, quand elle a dit Big Brother, tout de suite, c'est vrai que dès que tu as dit ton thème, on en a pas... Enfin, moi aussi, j'ai pensé tout de suite à 1984. Alors, bah, en fait, on ne peut pas tout à fait dire que c'est le monde dans lequel on vit. Hein. Il y a un peu de 1984, il y a un peu de la ferme aux animaux aussi. Parce qu'avec l'informatique, il y a la volonté de chasser le passé. Mais je me souviens, Lou, je te fais signe parce que je me souviens que dans ton émission où tu avais différents chroniqueurs, Tour de culture. Malou en avait parlé. Oui, en effet, Malou avait beaucoup aimé la ferme des animaux de George Orwell. C'est vrai que c'était marquant Qu'elle avait dit. C'est encore plus déprimant que 1984. Bah, c'est une espèce de dystopie, quelque chose comme ça, je ne sais plus comment ça s'appelle, mais... Oui, bah, y a une volonté qui est d'ailleurs dénoncée par d'éliminer le passé. En fait, c'est ça la morale de l'histoire. Hein. Oui, et qu'au final, on reproduit exactement les mêmes erreurs. D'ailleurs, c'est des choses qu'il faut penser à nous aussi, parce qu'on est parfaitement capable, je pense, de reproduire les erreurs de 33, sauf qu'à plus forte échelle, parce qu'on est plus avancé technologiquement parlant. Alors, dans 1984, il y avait le ministère de la vérité. Ah oui, mini-vert. Alors, extrait du 1984, qui produit à la chaîne des journaux stupides, qui ne traite presque entièrement que de sport, de crimes et d'astrologie, de petits romans à 5 francs, des films juteux de sexualité, des chansons sentimentales composées par des moyens entièrement mécaniques. Et il y a aussi l'auto-hebdomadaire, principale sinon seule raison de vivre et des prolétaires. C'était leur plaisir, leur folie, leur calmant, leur simulant intellectuel. Par contre, ça, c'était absolument bien vu. Oui, que c'est l'opium du peuple. Exactement. Alors, il y a quelques autres films qui traitent un peu du monde, un peu de la surveillance, d'un monde totalitaire dans lequel on pourrait arriver dans un futur proche. Orange Mécanique, par exemple, qui raconte comment un délinquant nommé Alex fait l'objet d'une thérapie prétendument révolutionnaire censée éradiquer ses pulsions violentes. Ça pourrait très bien arriver dans un futur proche. Il y a quand même quelque chose dont je n'ai pas parlé ce soir, c'est le crédit social. Est-ce que tu as peut-être entendu parler de ça en Chine? C'est une sorte de crédit, en fait, grâce à toutes les métadonnées collectées sur les Chinois, grâce à la suppression de l'argent liquide et tout un tas de trucs, en fait, tous les Chinois ils vont être notés. Et tous les secours entre guillemets, un mauvais comportement, ils auront des mauvaises notes. Alors du coup, ils ne pourront plus voyager, ils seront mis sous surveillance, et ainsi de suite. Ils n'auront plus accès aussi à des postes de fonctionnaires. Et ça me fait penser un peu à ça. Un peu dans le même genre, le livre « Un bonheur insoutenable » d'Ira Levine. Imagine une humanité sous l'emprise totale d'un ordinateur qui veille à son bonheur. Oui, un petit commentaire. Non, mais parce que le livre ne me disait rien. Alors, comme Lou, je sais qu'elle lit beaucoup et qu'elle a une culture Et Ralevine, c'est celui qui a écrit Rosemary's Baby. Ah oui, d'accord. T'as vu le film? Oui. Si tu veux un truc qui parle de surveillance et de paranoïa, c'est le film parfait. Hein. Alors, je faisais référence aussi au film de Polanski, c'est peut-être son plus grand film. Je sais pas si tu as déjà vu. C'est quoi le titre? Rosemary's Baby. Oui, mais non, j'ai cru qu'après t'en avais parlé d'autres. Un film à couper le souffle, hein, franchement. On a une tension permanente, c'est quand même incroyable. Jusqu'à la dernière scène quasiment. Peut-être que tu l'as vu le film? Non, mais je viens de le noter pour aller le regarder dès que je pourrai. Faut le regarder jusqu'au bout, je vais pas te raconter la fin parce que sinon ça gâcherait tout. Mais si tu me dis ça, c'est que c'est un film qui risque d'être difficile à regarder? Non, mais c'est un film, il y a un climat de tension dans le film, on est vraiment projeté dans le film. Il y a un climat de paranoïa, c'est assez impressionnant. Alors, autre auteur visionnaire, Philippe Dick. Philippe K. Dick, pardon. Alors, je ne sais pas ce que signifie le cas. Auteur de plus en plus pillé par Hollywood, avec des films comme Blade Runner, Total Recall ou Minority Report. tu connais ? Oui, les trois, oui. J'ai pas vu Total Recall en ce qui me concerne, mais les deux autres, si. Enfin, j'ai pas vu Minority Report en entier, mais je l'ai étudié. Blade Runner, par contre, je connais pas. De quoi ? Blade Runner. Si tu l'as vu, tu veux nous raconter. Ah bah, c'est avec Harrison Ford. Ah non, mais moi, je suis nul pour raconter les films. Mais par contre, Blade Runner, ils en ont refait, hein, là, récemment. Et justement, avec je crois que c'est avec l'acteur en vogue, là, Ryan Gosling. Ouais. Et puis Harrison Ford joue de nouveau 20 ans après. Voilà. Et commentaire du canard, sa force n'est pas d'avoir anticipé les nouvelles technologies qui permettent au pouvoir un flicage de plus en plus efficace, mais en bon parano de saisir de l'intérieur la logique paranoïaque de tout pouvoir. Forcément isolé, méfiant, se croyant entouré d'ennemis, prêt à tout, et de la pousser jusqu'au bout. Nous vivons dans un monde de plus en plus dickien. Alors pour terminer, il y a un dernier livre qui s'appelle « Quand la machine s'arrête ». Enfin, en fait, c'est plutôt une nouvelle de Edward Morgan Forster, ce qui était un anglais. Alors, c'est l'histoire d'une société où tous les individus communiquent uniquement par des écrans. Où on vit dans un monde technologique où les individus sont nourris par ce qu'ils appellent la machine. Alors, tout est fait par écran. Alors, tu vas me dire, c'est pas très original, mais sauf que ce qui est assez hallucinant dans ce livre, c'est que ça a été écrit en 1909. Bah, j'allais justement te demander la date, parce que j'étais sûr que forcément c'était assez ancien, et qu'encore une fois, il y a eu beaucoup, on en revient au roman d'anticipation. Je crois que c'est le truc le plus hallucinant, ce livre, hein, parce que à cette époque-là, il n'y a personne qui imaginait pouvoir communiquer avec des écrans. Alors, où a-t-il été chercher ça, je ne sais pas. Bah, dans le futur. Voilà. Il a voyagé dans le futur. Il était peut-être médium, allez savoir. Ou visionnaire. Voilà. Peut-être. On terminera pour aujourd'hui. Eh oui, hélas, déjà. C'est quoi le thème de la prochaine émission dans un mois ? Je vais vous raconter des histoires. Mais des histoires qui figurent pas dans les livres d'histoire, qui figureront probablement jamais. C'est des histoires qui dérangent. Bah, comment veux-tu qu'on révise alors si ça figure pas dans le livre d'histoire ? Là, vous n'aurez pas besoin de réviser. Ah, bonne nouvelle. Et donc, ce sera le 12 décembre, dans 4 semaines, c'est ça ? Voilà. Ce sera un peu la théorie du complot. Alors, ouais, parce qu'en fait, c'est des vrais complots qui sont arrivés, qui ont jamais été sus sur l'instant, mais qui ont été sus par la suite. Ah oui, oui. Ah là là, quel teasing. Donc pour en savoir plus sur ces complots, rendez-vous mercredi 12 décembre à 19h pour la prochaine édition de Ce qu'il faut savoir avec Antoine. Bon, écoutez, bonne soirée à tous. Bonne soirée. À dans un mois.